Mais si je ne me trompe, c'est Nicaise. Nicaise? Oui, l'un de nos deux plaideurs, celui qui a acheté le moulin. C'était bien Nicaise, en effet. Nicaise qui, désespérant de voir jamais tourner sa roue et se découvrant subitement des dispositions pour la cuisine, venait, depuis 8 jours, de prendre à son compte l'unique hôtellerie de l'endroit. Déjeuner chez Nicaise? Impossible. La justice a ses devoirs austères et, par crainte d'être soupçonnée, ne peut s'asseoir à la table d'un plaideur. Du fond de la cheminée, qui éclairait un beau feu de braise, des parfums suaves arrivaient et la tentation était grande. Mais le greffier venait d'apercevoir la partie adverse, paysan à l'œil plein d'astuces, qui, embusqué derrière un mur, narquoisement nous surveillait. Le sort en est jeté, soupira-t-il, à la guerre comme à la guerre. Aujourd'hui, truites et becs fins régaleront plus heureux que nous. Et le mieux qui reste à faire, c'est, puisqu'il n'y a pas d'autre auberge, de nous contenter de mon encas. Une vieille femme se trouvait là, qui voulut bien nous prêter des verres et nous vendre, avec une mie de pain brun, de bouteilles de vin suret. Préférant le plein air à son taudis qu'elle nous offrait, nous déjeunâmes, nous, la justice, comme des bohémiens, sous l'abri d'une roche tiédie par le soleil, au pied de laquelle un peu de gazon verdissait. Repas original, en somme, mais dont le bon monsieur Discourtois ne parut pas, malgré les saillies du greffier, apprécier suffisamment le pittoresque et la saveur. Aussi, quand je veux voir se rembrunir son visage, d'ordinaire si affable, n'ai-je qu'à rappeler la truite et les becs fins du déjeuner de Claire-Combe.